lésion. En éclat, de ce globe ta posture en étant là pour rectifier le tir officiel de mon âme qui est l'écriture. Autant le dire, je souhaite de partir loin d'ici afin d'assurer l'avenir de notre progéniture. Ainsi que nos parents qui ont eu du mal à nous voir grandir. Les temps sont durs, certainement comme un gars de chez nous qui rêve tellement de pouvoir s'en sortir si loin. Et de ne peut-être plus y revenir au même point. Que d'autres finissent mortellement sous l'emprise d'une drogue dure. Comme cette pauvre mère qui demande qu'à aimer. Tendrement son fils âgé de 12 ans, assassiné d'une balle en plein cœur. C'est choquant que cela me donne d'énormes frissons. Au plus profond de mon âme, je pleure des larmes rouges sans de couleur. J'en ai la certitude, non je n'ai pas pu aller plus loin dans mes études. J'ai lâché aussitôt pour pouvoir reprendre tout à zéro. T'inquiète frère, moi aussi j'ai le cœur rempli à la rage. T'entreprends ma furie dans les deux côtés de l'hémisphère. Vu l'engrenage, ma vision augmente une fois de plus. En ayant le besoin d'exprimer le fond de mes pensées les plus hardcore. Quitte à sortir la calage à tous ceux qui aimeraient nous foutre dehors. Sachant qu'on a dur à trouver la force de lutter contre tous ces sales porcs qui dirigent ce monde en entier. Moi je me dois de nous représenter, quoi qu'il arrive. C'est persuasif que je ne peux qu'assurer la défense des miens devant la barre. Pas pour autant finir dans ce trou noir où je ne virerai plus rien. Si ce n'est que la merde et la pauvreté au sujet de mon histoire. Dans lequel nous ne faisons plus qu'un, plus on qu'un. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. T'inquiète nous si on est cramé tel que nous sommes dans ce nouveau millénium. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. À force de vivre entre mépris, hargne, rire, larmes, profit, sexe, drogue et drame. On se met des bons et croit que le monde est à nous comme Tony Montana. Pourtant à la fin y'aura plus rien sauf gueule indomptable. Les billes tournent et les rites strassent ma caille. Rappelle-toi dans ce bas monde y'a aucune victoire sans bataille. Pour savoir ça y'a pas besoin d'être de Manhattan. Pas besoin de science infuse ou d'armes à la taille. C'est le bordel, oublie baguette magique et recette miracle. Chez nous ça redevient l'époque des pirates. Tous anti-système car leur mode de vie on n'en veut pas. Quitte à finir sur le trottoir ils vont vivre pape. De toute façon ceux au pouvoir sont des monstres. Ils font la guerre à la paix. Protège tes mômes, tes biens, ce que tu aimes. Ton âme, car tant de maintien mort. De nos jours c'est dangereux d'être un honnête homme. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. T'inquiète nous si on est cramé tel que nous sommes dans ce nouveau millénium. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. Je rappe dans ce concept, entends ce qui m'amène. Du nord au sud ressens la même haine. Fine, demande à mon staff, man. NJP en featuring, c'est le même barème. Dans les rues, ça renaise la même haleine. À part moi-même, qu'est-ce que je peux dire si ce n'est que le Harlem. Faute de qui, faute de quoi, on a tous cette veine. Depuis que ça m'a senti le phénomène. Les RB sur FM, envoie l'émotion sur scène. Ce qui sort de ma graine, ce qui sort de ma graine. Je mets à l'attitude de notre texte qui vient de ma foi. Plutôt d'un avant si j'ai pas cette gueule d'emploi. Et alors on se bat sur ce qu'on croit. J'ai juste une minute pour dire que je fais le poids. Mais qu'est-ce qu'il y a, je donne ce que j'ai pour faire le pas. Vers en heure à mon cou que tu connais la tria. Tout part en ruina. Qu'est-ce que tu veux, même si c'est comme ça on se débrouille. Là tu entends la foule, c'est là où on tape nos embrouilles. Qu'il coule si tu veux qu'on reste cool. Toi tu préfères péter les douilles. Entre eux ils bouffent et on se rouille. Mon rap n'est pas une bavure, mais faut que ça mouille. Hip hop pur game toujours dans le thème. Tête qui craigne, c'est juste SNN, y'a pas de thème. Entre nous de toute façon ce n'est qu'un SLM. DJ Hacham, Malfait, JP, Dutch. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. T'inquiète nous si on est cramé tel que nous sommes dans ce nouveau millénium. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. T'inquiète nous si on est cramé tel que nous sommes dans ce nouveau millénium. On est tous du même bord. Mais si c'est pas mon garçon de la FF. On vit tous dans le même décor. L'union fait la force pour chacun d'entre nous frères. Le cœur est une bombe qui s'amorce. Et vice versa entre deux mondes on vit sous le nerf.